waa bi nag benn paa la woon quoi, bu am benn doom bu tudd Modou, waaye doom bu ni la arrêté mën a fen. Paa bi jënd benn machine boo xam ne dafay mbejaate quoi, xam nga. Waaye Modou wàcc yooyu, paa bi woo Modou ne ko waa Modou yow semence bi loo jël sax. Modou ne waa paa maa jël premier yow tamit rek machine bi mbej ràcc. Modou ne non ma jël deuxième paa c' est vrai, waaye rek machine bi talaata ko tëf. Mu ne non maa jël ndaare quoi, machine bi bàyyi noonu. Paa bi ne ko yow da nga ñàkk fula ah, sa moroom yi bu ñu jàng doo jàng. Man je me rappelle sama temps bi ma nekkoon Blaise tout le temps maa doon jël P machine bi mbéj paa bi tëf. Paa bi ne ko non c' est vrai maa doon jël deuxième rek machine bi talaata ko ratatatatat. Paa bi ne ko non dëgg la quand même du ma la fen maa doon jël ndaare machine bi mbéjaat tëf. Paa bi ne ko non c' est vrai mosuma jàng en fait machine bi arrêté jaajëf waay.